الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On rentre dans le 30e cours aujourd'hui, inshallah ta'ala. Dans les cours d'avant, on était toujours dans le sujet de l'Iman bil yawm al-akhir. Wa tafasil al-Iman bil yawm al-akhir. Les détails de la foi au jour dernier. On a vu beaucoup de choses. Qui est-ce qui peut me rappeler certaines choses qu'on a vues? C'est quoi le pont? Le frère, il a dit la dernière fois, on a parlé du pont. C'est le lorsque les croyants vont les préparer pour rentrer au paradis. Il est glissant. Il y a des, aussi des personnes qui avancent. Ils se trouvent au-dessus de l'enfer. Exactement. On a parlé du pont, c'est-à-dire As-Sirat. As-Sirat, c'est un disque qui yunsabu ala matni jahannam. Alaykum salam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le As-Sirat, c'est un pont qui sera placé au-dessus de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fayamurru alayhi al-mu'minun. Et les croyants passeront sur ce pont. Et ensuite, il a donné, alayhi salatu wa sallam, les détails de ce qui va se passer sur ce pont. Quoi d'autre encore? Le talion, on a parlé du talion. Le talion, c'est al-qisas. Al-qisas, c'est raddu al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah. Fayakhudhu kullu madhlubin haqqahu min zalimih. Le qisas, ce qu'on appelle le talion, c'est chaque personne qui a été victime d'une injustice reprendra son droit le jour du jugement dernier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, yawm al-qiyamah, va défendre toutes les personnes qui ont été victimes d'injustice. Et il va leur redonner ce qui leur a été pris comme droit. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha hatta la yuqada lishati al-jalha min ashati al-qarna. C'est-à-dire, vous rendrez les droits à leurs ayants droit, à un point où on fera même venir la brebis qui n'avait pas de cornes pour qu'elle reprenne son droit sur la brebis qui avait des cornes et qui l'a frappée avec. Et les savants disent qu'elle viendra, celle qui n'avait pas de cornes, Allah lui en donnera. Et celle qui en avait, Allah lui enlèvera. Et il dira à la victime dans ce bas monde, le jour du jugement dernier, de lui remettre le même coup. Et après, quand les animaux, ils vont chacun récupérer leurs droits, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire disparaître en poussière. D'accord? Après ça, on a parlé d'autre chose aussi. On a parlé de quoi? Hein? On a parlé de l'Kawthar. T'es sûr qu'on a parlé du Kawthar plus particulièrement? Hein? Ouais, on a parlé de l'Hawd. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذي يرد فيه الناس ليشربوا من يده عليه الصلاة والسلام. Le bassin qui sera placé avant d'entrer au paradis, dans lequel les croyants viendront boire de la main du prophète صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qui peut me donner des détails ou plus d'informations par rapport à ce bassin? Pardon. فالرسول صلى الله عليه وسلم غادي يشرب للمؤمنين داكور يعني الماء يعني ابيض من اللبن واحلى من العسل. الله يبارك فيك. ديجا لا بروميير شوز كي نوزا دوني لو بروفيس صلى الله عليه وسلم va leur donner à boire. يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم. Ils vont boire de la main du prophète عليه الصلاه والسلام. شربتان لا يظمؤون بعدها ابدا. Une gorgée ou une boisson après laquelle ils ne connaîtront plus la soif. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrit وصف لنا الحوض, ce bassin. فهو أبيض أشد بياضا من اللبن. Il est plus blanc encore, il est plus blanc encore que le lait. Et donc on comprend qu'il est blanc. On comprend que le حوض أبيض وأشد بياضا من اللبن. il est blanc, il est plus blanc que le lin. Et dans un autre hadith, c'est pas le hadith qu'on a rapporté ici, le prophète alayhi salam dit qu'il est plus doux que le miel. Qu'est-ce qui peut me donner autre chose? Allez. Ouais, lakin, moi je veux des choses par rapport à Hawd al-Nabi alayhi salam. Chaque bassin, chaque prophète a un bassin, un Hawd. Celui qui est en bois, il a parce qu'il a plus soif. Celui qui est en bois, il a plus soif. Tawfiq. Onas, des gens viendront le jour du jugement dernier pour boire, ils viendront pour boire de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce bassin, al-Hawd. Qu'est-ce qui va se passer? Yutaradun, yuqalu lahum bu'dan, suhqan, ils vont se faire exclure et se faire renvoyer par les anges qui leur diront allez-vous-en, éloignez-vous. حين إذن يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام à ce moment-là le prophète عليه الصلاة والسلام va leur dire إنهم من أمتي, ils font partie de ma communauté. Et ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Les anges vont lui répondre إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a un livre qui s'appelle التذكرة في أحوال الموتى, c'est un rappel concernant ce qui va se passer après la mort, dans les situations du jour dernier. Dans ce livre-là, après ce hadith-là, il dit le sens de sa parole. Qala ulama'una, nos savants ont dit, yashmalu hadha kullu man irtadda 'anil islam, donc les gens qui seront exclus de ce bassin sont ceux qui ont apostasié de l'islam, c'est-à-dire ceux qui ont abandonné l'islam. Ils étaient musulmans et ils ont fait un acte de kufr, un acte de mécréance. أخرجهم هذا العمل الذي عملوه من الإسلام فيطردون من الحوض. Ils ont fait un acte qui les a fait sortir de l'islam. Ils seront donc non acceptés dans le bassin. ثم يشمل كذلك الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل. Également entre dans ça ceux qui ont innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la religion d'Allah dinullah dinun kamil la yahtaj ila ziyadah wala naqs, faman jaa yazidu shay'an fi dinillah yutradu min al-hawd yawm al-qiyamah. Limadha? Li'annahu 'indama zada shay'an fi dinillah lam yahtarim an-nabi 'alayhi as-salam fayatruduhu an-nabi 'alayhi as-salam. Celui qui ajoute une chose dans la religion d'Allah yarhamukallah, qui innove, fait une chose nouvelle dans la religion d'Allah, il ne pourra pas boire, et plutôt il se fera exclure, renvoyer du bassin. Parce que quand il a ajouté quelque chose dans la religion d'Allah, il n'a pas respecté le prophète alayhi salam. Comme il n'a pas respecté le prophète alayhi salam, il va l'exclure, il ne va pas l'accepter. Il ne va pas l'accepter. Ensuite, on a parlé de quoi d'autre? On a parlé de al-mizan, la balance qui sera établi par Allah yawm al-qiyamah. Et tu as parlé dans l'enfer, il y a des gens qui vont rentrer en enfer et ils ne vont pas y avoir soif puisqu'ils ont bu de la main des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Tu as parlé de ça, tu n'as pas parlé? Non, c'est Hajar. On a parlé de al-mizan. Parce qu'on peut pas tout rentrer dans tous les détails. Et le frère, il parle d'une chose qu'on a lue ensemble. Le al-mizan, c'est la balance qu'Allah subhanahu wa ta'ala va établir yawm al-qiyamah. Qu'est-ce qui peut me décrire cette balance? Avant de rentrer dans la balance, il me manque quelque chose sur le hawd. Abdul Karim. La taille. C'est quoi la taille? Hawdi Masiratu Shahr. En fait, Allah s.a.w. a dit mon bassin est de la taille de un mois de marche. Taïeb. Et encore quelque chose, Ibrahim, tu voulais dire peut-être? Barakallah. L'eau qui est dans le Hawd, elle provient du Kawthar. C'est quoi le Kawthar? Mahdi? C'est Rafiq. Pour qui? Alayhi salatu wassalam. C'est un fleuve qui est naharun fil janna, khasun lil nabi sallallahu alayhi wassalam. Que pour le prophète alayhi salatu wassalam. De ce fleuve là, il y a une eau qui coule et elle arrive dans al-hawd. Elle arrive dans ce bassin dans lequel les croyants viendront boire pour entrer au paradis et ne plus connaître la soif. Al-mizan, la balance. Qu'est-ce qui peut me parler de la balance? La balance, elle a la al-mizan lahu kifatan. Elle a deux plateaux. Quoi d'autre? Younous? On peut y mettre les cieux et la terre dedans, tellement elle est grande. Hein? Tellement qu'elle est grande, on peut y mettre les cieux et la terre dedans. On n'a pas parlé de ça. Moi, je vais les questions que dans les questions qu'on a traitées. Aïssam. Trois choses qui vont être pesées. Ouais, ouais. Aïssam, il a dit, il y a trois choses qui vont être pesées. Ami Mohamed Ali. Oui, il y a trois choses. Taïr. Les trois. Ouais. L'Amel. L'Amelon. Il a dit trois choses vont être pesées. Les actions qu'on a fait, a'mal al-ibad. Deuxièmement, al-amilun, al-nas, les gens qui ont fait les actions. Troisièmement, suhuf al-a'mal. Al-dawawin allati sujilat fiha a'mal al-ibad. Trois choses vont être pesées. Les actes, les feuilles où les actes sont enregistrés. Et troisièmement, les gens qui ont fait les actes. Quelles sont les preuves? Mal adilla. Ibrahim. Hadith al-bitaqa, le hadith de la carte, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que le jour du jugement dernier, une personne va venir et il y aura une balance. Sur un plateau de la balance, il y aura 99 feuillets. Yudha'u fi kifati al-mizan as-sijillat as-suhuf allati kutibat fiha a'malu. On pèsera dans un plateau 99 feuillets. Dans chaque feuillet, ses actions sont enregistrées. وفي الكفة الأخرى توضع البطاقة. Et dans la deuxième, dans le deuxième plateau, on posera la carte. Sur cette carte, il est écrit لا إله إلا الله. فهذا دليل على ماذا؟ C'est une preuve qui nous montre quoi? Que Ibrahim, que les feuillets sont pesés. Deuxièmement, الدليل على أن الأعمال توزن. La preuve que les actes vont être pesés. Hassan. Non, parle de ce que je t'ai dit moi. Attends, tu sais ou quoi, Hassan? Ami Mohamed Ali. Le prophète alayhi salam a dit wa hada akhir hadith al-Bukhari. C'est le dernier hadith de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans lequel le prophète alayhi salam dit kalimatan khafifatan fil lisan, ala lisan. حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Deux paroles sont légères dans la langue, aimées du miséricordieux et lourdes dans la balance. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب ماذا تفهم من الحديث؟ Qu'est-ce que tu comprends de ce hadith? خفيفتان في الميزان. أيوة. هذا هو. وسبحان الله وبحمده سبحان العظيم من الأعمال الصالحة. Donc ces mots seront dans la balance, car le prophète عليه السلام dit ces mots seront légers dans la lourds dans la balance. Donc ces mots ils font partie des actions pieuses. Donc on comprend que les actions seront pesées. طيب الدليل على أن العاملين يوزنون. La preuve que les gens qui ont fait les actes vont être pesés. Qu'est-ce qu'il veut répondre? Amadou, tu réponds? C'est le hadith du prophète, qu'il y aura quelqu'un qui sera fort et il pèsera rien dans la balance. Exactement. Dans ce hadith, le prophète alayhi salam dit يُؤْتَ بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ السَّمِينِ فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضًا. On fera venir un homme fort et corpulent. Il n'aura aucun poids chez Allah. Aucun poids où? Fil mizan. Hadith akhar. Qissa. Abdullah ibn Mas'ud. Tayyib. Sahabi Abdullah ibn Mas'ud, sa'ida ila shabara, wa ra'a sahaba wa indahu saqan wa sa'iratan qad'a kamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna hadhihi saqan أثقل في الميزان من جبل أحد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من أعلم الصحابة, fait partie des plus savants des compagnons, est monté sur un palmier. Et les compagnons ont regardé ses jambes et ils ont vu qu'elles étaient minces. Dirqa fi saqay. Elles étaient minces. Ils en ont rigolé. Le prophète alayhi salam leur a dit: rigolez-vous de la minceur de ses jambes? Par Allah, elles seront dans la balance plus lourdes que la montagne de Uhud. Idhan hadha al-insan yuzan. فالناس يوزنون أعمالهم توزن وصحائف الأعمال توزن. Donc on vient de voir que les trois choses qui seront pesées. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu que les gens vont être ressuscités في أرض المحشر. أين أرض المحشر؟ في جهتي الشام. Vers la Syrie actuelle, vers la Palestine, etc. Taïb. Dans les cours derniers maintenant, le dernier cours, on a parlé de quoi? Ça, on l'a déjà dit. Qu'est-ce qui répond parmi les gens qui n'ont pas encore répondu? Sharif. Tu n'étais pas là? Jean. La foi à l'enfer, au paradis. La foi au paradis et à l'enfer. طيب. ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ Qu'est-ce que la foi au paradis et à l'enfer؟ أيها المؤمنون بالجنة والنار. Oh, vous les croyants au paradis et à l'enfer. Allez. Non, mais t'as pas besoin d'être là. qui ne sait pas c'est quoi le paradis et l'enfer? C'est la récompense. Allez, hein? Darul jaza. Darul jaza. Imma an yakuna jaza'an hasanan, aw yakunu jaza'an. Aw naqul, yani, adab. Donc c'est l'endroit où les gens seront rétribués, la rétribution, c'est-à-dire le résultat de leurs actes. Cette rétribution, elle peut être bonne, on appellera ça al-ajr, une récompense. Elle peut être mauvaise, on appellera ça al-adab, on appellera ça le châtiment. طيب أهل الصلاح والعبادة والطاعة مآلهم إلى الجنة وأهل المعصية والكفر والشرك مآلهم إلى النار. Les gens qui ont été pieux et obéissants auront pour demeure le paradis, et les autres qui ne l'ont pas été, qui ont été désobéissants et qui ont adhéré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, auront pour demeure l'enfer. Qu'est-ce qui peut me parler de certaines choses qu'on a entendues sur الجنة والنار بعض الأمور التي ذكرناها وهي متعلقة بالإيمان بالجنة والنار. عبد العزيز. On a vu que tu es obligé d'y croire et qu'en ce moment ils existent. نؤمن بأن الجنة والنار معدتان مخلوقتان إلى في يومنا هذا. Nous devons croire que le paradis et l'enfer existent et sont préparés à l'instant même où je vous parle. ما الأدلة على هذا؟ عمي محمد علي. Les preuves de ça. آدم عليه السلام كان في الجنة. طيب. على كل حال, il a dit comme les preuves de ça, c'est que Adam était في الجنة. على قول المؤلف نقول نعم. Celui qui a l'auteur de ce livre a pris ça comme preuve. Je voulais d'autres preuves moi aussi. Khaled. La prière de l'éclipse, le prophète a vu. Pendant la prière de l'éclipse, le prophète a vu le paradis et l'enfer. Ouais, le voyage nocturne aussi. Mais on a parlé de choses claires. Le prophète a dit le habilet. Le prophète a dit. On l'a pas dit, mais tu peux le dire. Oui. Le prophète a dit ça. Sami'a. المهم سمع صوت صوت مشية بلال. Le prophète عليه الصلاة والسلام a entendu le bruit des pas de Bilal في الجنة. Et nous, moi je voulais quelque chose de clair. آية توفيق تعرفها بلا شك تدل على أن الجنة معدة والنار معدة. تفضل. هذا هو أعدت للمتقين. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du paradis, il nous dit أعدت للمتقين. Le paradis a été préparé pour les pieux. والأخرى كنا إبراهيم. Ce hadith là et le verset. Non, un verset. Uiddat il kafirin. Fattaqu an-nar allati uiddat il kafirin. Craignez l'enfer qui a été préparé pour les mécréants. Taïb. Donc maintenant on vient de voir qu'elles existent. ما الدليل على بقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبدا؟ Quelques preuves qui nous montrent que le paradis et l'enfer sont éternels et qu'ils subsisteront tout le temps et qu'ils ne s'arrêteront jamais. Ibrahim. في ماذا؟ هاه؟ في جهنم. طيب. أكيد. Khalidine. Mais dis, tu rigoles, réponds. Khalid. Khalidine, il y a madame et dis-samaoui. Là, t'as été bien. Allez, allez, voir. Allez, allez, sur le surat Hud. Ya. Ah. Aïssam. Pardon. Ouais. يمكن سورة البينة. طيب ان verset هذه الآية le verset qu'il fait à la suite سورة البينة والله سبحانه وتعالى dit إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية. شر البرية dans ce verset il n'y a pas أبدا. Donc quelqu'un, c'est ça ce que ça veut dire. Ce verset, il va dire que c'est éternel. Mais quelqu'un, il pourrait dire que c'est pas éternel parce qu'il n'y a pas abada. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné trois versets dans le Coran où il a mis abada. Khalidina fiha abada. Qu'est-ce qui peut m'en ramener un? Khalid. Les choses qui peuvent provoquer des muscles. Je ne l'ai dit pas. Ça, c'est une preuve que ces gens-là iront en enfer, mais ce n'est pas une preuve qu'ils seront éternels. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate al-Jin, qu'est-ce qu'il a dit? Tawfiq, wa man ya'si Allah. إن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Allah سبحانه وتعالى a dit quiconque désobéit à Allah et à son messager aura l'enfer et ils y resteront éternellement. خالدين فيها أبدا. Ils y resteront éternellement. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ahzab aussi, Allah a maudit les mécréants et leur a préparé la fournaise, ils y resteront éternellement. Taïb. Des preuves du paradis, que le paradis est éternel. Le paradis est enfermé. Pour la mort, on a tué le mouton. صحيح. مؤلف الكتاب يأتي بهذا الدليل. Celui qui a écrit ce livre amène cette preuve. Hadith صحيح. فيه بيان أن الجنة والنار لا تفنيان. Dans lequel il y a une preuve que ni le paradis ni l'enfer vont disparaître. Donc ils vont rester. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit يُؤْتَى à la kullihal, le ma'na du hadith, c'est que on fera venir à Kabsh, Abia, un mouton blanc, fayuqafu bayna al-jannati wan-nar, il sera arrêté entre le paradis et l'enfer, fayuqalu ya ahla al-jannati ta'rifuna hadha, fayaqulu na'am, hadha al-maut, wa yuqalu ya ahla an-nar ta'rifuna hadha, fayaquluna na'am, huwa al-maut, فيؤمر فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ولا ويا أهل النار خلود فلا موت. وفي رواية ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده إلى الدنيا وقال أهل الدنيا في غفلة الدنيا. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salam nous dit on fera venir un mouton blanc qui sera placé le jour du jugement dernier entre le paradis et l'enfer. On dira aux gens du paradis, ce mouton blanc c'est la mort sous la forme d'un mouton blanc. Et on dira aux gens du paradis comme aux gens de l'enfer, reconnaissez-vous cela, chacun des deux demeures, répondront oui, c'est la mort. Alors Allah donnera l'ordre qu'on le sacrifie, on le tuera, et une voix dira aux gens du paradis, éternité, plus de mort, et pareil pour les gens de l'enfer, éternité et plus de mort. Et les versets, et ainsi que les hadiths, ils sont très nombreux pour nous montrer que ni l'enfer ni le paradis ne vont disparaître. سؤال اليوم السؤال الثالث والثلاثون بعد المئة. La question du jour, question 133. Avant d'entrer dans cette question, nous on vient de voir toutes les choses pratiquement. La dernière chose c'est le paradis et l'enfer. Il y a une chose après ça ou pas? Oui. في الجنة آخر شيء. عبد الكريم. هذا بارك الله فيك. آخر شيء نسأل الله تعالى أن يمن علينا بلذة النظر إلى وجه الكريم. demande الله سبحانه وتعالى comme on est en train d'étudier qu'on va le voir qu'il passe qu'on le voit سبحانه وتعالى. donc la question 133, ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ quelle est la preuve qui nous indique que les croyants verront leur Seigneur dans la demeure dernière, يوم القيامة في الدار الآخرة. الجواب, la réponse. Donc on sait que المؤمنون سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. Les croyants verront Allah يوم القيامة ويرونه سبحانه في الجنة. Ils le verront au paradis عز وجل. Quelle est la preuve de cela? الجواب. هذا هو. الجواب قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة أي منعمة منورة إلى ربها ناظرة أي هذه الوجوه تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل a dit dans ce verset, ce jour-là il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et donc le verbe ناظرة dans la langue arabe, هذا الفعل نظر إذا تعدى بإلى دل على النظر بالبصر. Donc le verbe نظر en arabe, lorsqu'il vient avec la lettre إلى, pour ceux qui comprennent un peu l'arabe, il veut dire forcément voir avec les yeux, parce que ce verbe là il peut vouloir dire autre chose s'il n'y a pas إلى. مثلا انظرونا نقتبس من نوركم. الآن ليس معنى انظروا إلينا إنما المعنى انتظرونا. Ce verbe là quand il ne vient pas accompagné de la lettre ila en arabe, il veut dire autre chose, il peut vouloir dire attendez-nous ou attendez, ou le verbe attendre, comme les hypocrites emploieront ce verbe يوم القيامة pour dire aux croyants de les attendre. على كل حال دليل واضح على المؤمنين يرون الله. C'est une preuve claire qui montre que les croyants verront Allah. وقال الله وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله عز وجل a dit dans ce verset à ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage, allez plus encore. من الذي يحاول أو من الذي يفسر هذه الآية؟ Qui est-ce qui peut m'expliquer ce verset? Tawfiq. الحسنى هي الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله. هذا هو. أسأل الله أن يعطينا وإياك الحسنى وزيادة. الله سبحانه وتعالى dit ils auront la meilleure récompense et davantage, plus encore. Donc la meilleure récompense c'est le Jannah, et plus encore c'est le fait que les gens du paradis verront Allah سبحانه وتعالى. من الذي أتى بتفسير للتفسير هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما سنرى. Qui est-ce qui nous a donné cette explication? Le prophète عليه الصلاة والسلام. Comme on va voir. وقال تعالى في الكفار. Et Allah a dit en parlant des kuffars, des mécréants. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en vérité ce jour-là, un voile, ils seront voilés de leur Seigneur. Ils seront voilés de leur Seigneur. طيب ماذا نفهم من هذه الآية؟ توفيق. إنهم لا يرون ربهم. يعني يقال أن مثلا يعني أفضل النعيم هو رؤية الله يعني في الجنة, ويأكثر العذاب مع يعني النار يعني وفيها من العذاب في النار, يقول أكثر العذاب أن الناس في النار أهل النار لا يرون ربهم أكثر العذاب مع أنهم يتعذبون بالعذاب يعني عذاب شديد والله أعلم. يعني هذا كلام صحيح لكن أردت شيئا آخر. Donc dans ce verset, Allah nous montre que ces gens-là seront voilés de leur Seigneur. C'est-à-dire, dans la vraie traduction, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Là, il entre. Qu'est-ce que tu comprends, Ibrahim ? Que si le plus grand des châtiments, c'est le fait de ne pas voir son Seigneur, le plus grand de la récompense, c'est de le voir. C'est pas exactement. Ça, c'est une vérité, mais c'est pas exactement. Châtiment. Ibrahim Thani. Tout le monde pourra avoir Allah sauf ce groupe-là, ou un voile sera centre. Al-Mahmad Ali. La. Le réponse est clair. Si les croyants, si les kafirs, sont mahjoubins, Allah les empêche de voir lui, ça veut dire que les croyants le voient. Et là, pourquoi ذكر الله هذا? Donc la réponse était de dire, si Allah a voilé les mécréants de sorte à ce qu'ils ne puissent pas voir Allah, si Allah nous dit, le jour du mois dernier, ces gens-là particulièrement vont être voilés, ne pourront pas voir Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autres gens, qui sont les croyants, les هذا قال المؤلف فإذا حجب أعداؤه لم يحجب أولياؤه. C'est ça que l'auteur du livre a dit, si Allah empêche donc ses ennemis de le voir, il ne fera pas de même avec ses alliés. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القبر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته أي لا تزدحمون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر وصلاة قبل غروبها وهي المغرب فافعلوا فمن أعظم العصر فمن أعظم أسباب رؤية الله عز وجل الثبات على الفجر والعصر في الوقت. Donc البخاري مسلم nous rapporte que Jarir ibn Abdullah رضي الله عنه a dit, nous étions assis avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم quand il a regardé la lune le 14e jour, c'est-à-dire le 14e jour du mois, le jour où la lune est pleine. D'accord? Et donc il était avec les compagnons et ils ont vu, ils ont pu voir la pleine lune. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salam a dit, certes, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez celle-ci. Sa vision ne vous causera aucun préjudice. Alors, si vous pouvez ne pas être dominé pour accomplir une prière avant le lever du soleil, salat al-fajr, et une autre avant son coucher, al-asr, faites-le. Donc ce hadith nous montre que parmi les causes qui vont nous faire gagner la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de prier le Fajr, l'Asr, et d'être assidu à ces prières et de les prier correctement et de les prier à leur temps. Donc on voit dans ce hadith que le prophète alayhi wa sallam nous informe que nous allons inshallah voir Allah subhanahu wa ta'ala bidouni ziham, d'accord, sans que les gens ne se serrent les uns contre les autres. Tout le monde aura sa part. وَهَذَا عَلَى حَسَبِ عَمَالِهِمْ, selon, en fonction de leurs actions. Subhanahu wa ta'ala. Je voulais dire une chose. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا, أي كما ترون القمر. إذا قال قائل أنتم تشبهون الله والعياذ بالله بالقمر, لأن في هذا الحديث يقال فيه ترون ربكم كما ترون هذا. ما الجواب؟ Si certains disent à la question, si certains posent une question avec une ambiguïté, ils disent vous avez fait ressembler votre créateur à la lune. Pourquoi? Parce que dans ce hadith, il est dit vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez la lune. Donc, vous avez fait ressembler votre Seigneur à la lune. Mal jawab. وليس المرئي بالمرئي. الجواب أن التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية. ترون هذه الرؤية التي ترون بها القمر نفس الرؤية التي ترون بها ربكم عز وجل. أما المرئي الذي هو القمر يختلف عن المرئي الذي هو الله سبحانه وتعالى. Donc la réponse est claire, c'est que le prophète عليه الصلاة والسلام nous a faire ressembler la vision et pas la chose qui est vue. De la même manière que vous pouvez voir la lune, vous allez pouvoir voir Allah, vous pourrez voir Allah, mais ce n'est pas une ressemblance entre Allah et subhanahu wa ta'ala et sa créature. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيئا من كلامه على أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. Et donc ensuite le shir, rahimahullah, nous dit exactement ce qu'on vient de dire. De toute manière, ce qu'on vient de dire vient de lui, vient pas de nous. À la kulli hal, dedans le shir, il vient de dire ce qu'on a dit. Et il a ramené aussi un autre exemple qui nous montre cela. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre aux anges, ou plutôt informe les anges de ce qui va se passer, إذا أخبر الله تعالى الملائكة بما سيكون غدا qu'est-ce qu'il se passe? Les anges, ils entendent, ça leur fait une sensation comme si qu'ils entendaient, ou ça leur fait la même chose que quand on entend le bruit d'une chaîne avec laquelle on frappe un rocher. Vous voyez le bruit que ça fait? Ça leur fait la même chose aux anges. Ici, quand on dit que ça leur fait la même chose, ça ne veut pas dire que quand ils entendent Allah, ils entendent ça. Mais c'est l'effet qui est pareil. C'est l'effet qui est pareil. D'accord? Taïf. Ensuite, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble en lui-même, ni avec ses sifat, ses attributs. Et le prophète alayhi salam est tellement pur qu'il ne peut pas décrire Allah par une telle chose, alors qu'il est celui qui connaît le mieux Allah. وفي حديث صهيب عند مسلم صهيب الرومي صحيح مسلم البروفيت عليه الصلاة والسلام أجي فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل نسأل الله أن يكرمنا بهذا ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة حديث rapporté par مسلم. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit Allah سبحانه وتعالى il va dire يوم القيامة إذا أو يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل إذا lorsque les gens du paradis vont entrer au paradis on leur dira الله عز وجل يقول الله لهم أتريدون شيئا أزيدكم voulez-vous que je vous rajoute quelque chose فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار n'as-tu pas blanchi nos visages nous as-tu pas fait entrer au paradis préservé sauvé de l'enfer فيكشف الحجاب الله enlèvera le voile فيرون الله سبحانه وتعالى ils verront Allah سبحانه وتعالى et ils n'auront pas reçu une chose plus aimable ou meilleure que ça que le fait de voir Allah سبحانه وتعالى. Et ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام a récité le verset dont le sens est pour ceux qui ont fait des bonnes actions la meilleure récompense et davantage encore. وفي الباب حديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سلم الوصول وهذا كتاب لهذا الشيخ رحمه الله 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا. Il dit, et dans ce sujet qui est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup, énormément de hadiths clairs et authentiques. Et le shir dans un autre livre il les a ramenés, et il y en a plus de 45. Et ces hadiths-là, ils ont été rapportés par plus de 30 sahaba, radiyallahu anhum. ومن ذلك ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسلا وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه آمين. Il dit, celui qui mécroit ou qui dément que les musulmans ou que les croyants vont voir leur Seigneur aura mécru au livre d'Allah et aura mécru à ceux avec quoi les messagers ont été envoyés par Allah. Et il fera partie des gens au sujet desquels Allah Azza wa Jalla a dit, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite à la fin, il fait une invocation dans laquelle il dit, nous demandons à Allah de nous accorder le pardon et le salut, et de nous accorder le plaisir de regarder son visage. طيب. بعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الشفاعة التي تكون يوم القيامة. Maintenant on va parler d'une autre chose qui est l'intercession qui aura lieu le jour du jugement dernier. السؤال الرابع والثلاثون بعد المئة. Question 134. ما دليل الإيمان بالشفاعة وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون. Question 134. Dedans il y a 4 questions. La première, quelle est la preuve que l'on doit croire à l'intercession? Et de qui elle va venir? Qui va en bénéficier? Et quand l'intercession aura lieu? Quatre questions. Et anna l'iman bishafa'a min jumlati i'tiqad ahli sunnati wal jama'a. Car la foi en intercession fait partie des choses auxquelles les gens de la sunna et du consensus doivent croire. C'est-à-dire fait partie de la croyance du musulman. ولكن هذا الباب في العقيدة زلت فيه أقدام كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. Mais ce sujet dans la croyance, beaucoup beaucoup beaucoup de gens qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam n'ont pas compris cette chose, se sont égarés, فوقعوا في شرك بالله والعياذ بالله, ils sont tombés dans l'association Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça. يعني الشرك أنواع وأكثر يعني نوع من أنواع الشرك وجودا هو في طلب الشفاعة من غير الله. L'association est de plusieurs sortes, et la plus grande association qui est répandue, la plus grande sorte d'association qui est répandue dans le monde arabe ou musulman, c'est de demander l'intercession à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les savants de la sunna ont mis dans les livres de l'aqidah ce chapitre-là, pour comprendre correctement ma hiya shafa'a, liman takun, kayfa takun, mata takun. Qui va tirer profit de l'intercession, qui va intercéder, quand, etc. C'est ce que on va voir, insha'Allah ta'ala. La réponse, al-jawab, fa al-shafa'a hiya talabu shafi'i min Allahi. نفعا للمشفوع له إما جلب خير أو دفع شر. Donc l'intercession, c'est que un intercesseur demandera à Allah عز وجل يوم القيامة quelque chose pour une autre personne. Soit il demandera pour cette personne qu'Allah l'épargne d'un mal, le protège d'un mal, ou bien lui amène un khair, comme on va le voir ici en détail. Al-Jawab, قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود أي بشروط ثقيلة, وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء, فقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé l'existence de l'intercession dans plusieurs passages de son livre avec des conditions lourdes. Donc le croyant, il doit savoir que shafa'a hasila bi shurut, l'intercession va avoir lieu avec des conditions lourdes, comme on va le voir. Allah nous a également informé que la shafa'a, c'est-à-dire l'intercession, est une chose que seul Allah possède. Subhanahu wa ta'ala. La preuve en est la parole d'Allah dans laquelle Allah nous dit قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit à Allah appartient l'intercession tout entière. وَالْأَصْلُ فِي سِرَةِ الْكَلَمْ مَنْ تَقُولُ قُلْ الشَّفَاعَةُ لِلَّهِ جَمِيعًا لَكِنَ اللَّهَ قَدَّمَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لِيُبَيِّنَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ هِيَ خَاصَةٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc, dans la forme de la phrase ici en arabe, on comprend que le seul qui possède l'intercession est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit ça après avoir dit min dunillahi shufa'a bidat al ayat. Amittakhadhu min dunillahi shufa'a, ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs? Ahum alladhina talabu ash-shafa'ata min ghayrillah lam yatlubuha min Allah. Ceux qui n'ont pas demandé la shafa'a, l'intercession à Allah, Allah parle d'eux en disant amittakhadhu min dunillahi shufa'a, ont-ils pris des intercesseurs autres qu'Allah, ont-ils demandé l'intercession autre qu'Allah? Qul awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqilun qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Dit, même s'ils ne possèdent rien et ni il ne raisonne, dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Donc l'intercession elle est à Allah. إِذَا كَانَ الشَّفَاعَةُ لِلَّهِ فَلَا تُتْلَبُ إِلَّا مِنْ Allah. Si l'intercession n'appartient qu'à Allah, elle ne doit être demandée qu'à Allah. فَأَمَّا مَتَ تَكُونَ, quant à la question quand est-ce qu'elle aura lieu, فَأَخْبَرَنَا عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِ أي بَعْدَ إِذْنِ. Allah nous a informé qu'elle n'aura lieu qu'après sa permission. Elle n'aura lieu qu'après sa permission. هذا الشرط الأول من شروط الشفاعة. La première condition parmi les conditions de l'intercession, que Allah donne sa permission. الدليل على ذلك كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي لا يشفع عند الله أحد إلا بعد أن يأذن الله له. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans آية الكرسي qui va intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission. C'est-à-dire que personne ne pourra intercéder parmi ceux à qui l'intercession a été accordée sauf après qu'Allah va leur donner ou après Allah leur donne la permission. Il n'y a pas d'intercesseur si ce n'est après sa permission. Et aussi Allah a dit وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et combien sont les anges au ciel dont l'intercession n'est aucunement profitable ou d'aucune utilité, ou leur intercession elle est impossible sauf ceux à qui Allah et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien sinon qu'après qu'Allah l'aura permise en faveur de qui il veut et agréé. Donc ici Allah nous montre que personne ne pourra intercéder si ce n'est après sa permission. Subhanahu wa ta'ala. وكذلك قال لمن يشاء ويرضى فلا يشفع إلا لمن شاء الله أن يشفع له وإلا لمن رضيه الله. Subhanahu wa ta'ala. On ne pourra donc intercéder qu'après la permission d'Allah et pour qui Allah a agréé. Donc, alladhi la yardahu Allah la yushfa'u lahu. Celui qu'Allah n'a pas agréé, on ne pourra pas intercéder pour lui. Wa qala ta'ala wa la tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu. Et l'intercession auprès de lui n'est d'aucune utilité sauf pour celui à qui il a donné l'autorisation. Subhanahu wa ta'ala. Wa amma mais maintenant, quant à la question pour qui on va intercéder, فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه أخبرنا أيضا أنه لا يؤذن لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Donc il nous dit comme de même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que l'intercession n'aura lieu qu'après sa permission, Il nous a également informé qu'Allah ne donne la permission d'intercéder que pour ceux dont il est satisfait parmi les gens pieux. Ou plutôt, الَّذِينَ يَشْفَعُونَ هُمُ الَّذِينَ اَرْتَضَاهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ici, on parle de ceux qui vont intercéder. Ils vont intercéder après la permission d'Allah, et les seuls qui pourront intercéder sont ceux qu'Allah a agréés et dont il est satisfait. Allah a dit dans le verset, ce jour-là, nul ne saura parler, nul ne pourra parler, sauf celui à qui le Tout Miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. فَلَا يَسْتَطِعُ كُلُّ وَاحِدْ أَنْ يَتَكَلَّمْ وَلَا يَسْتَطِعُ كُلُّ وَاحِدْ أَنْ يَشْفَعْ. Personne, ce n'est pas tout le monde, ou tout le monde ne peut pas intercéder, seuls ceux à qui Allah va leur donner la permission. وَقَالَ لَا يَمْلِكُنَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement avec le Tout Miséricordieux. وَأَمَّا لِمَنْ تَكُونَ. Quant à la question pour qui on va intercéder, le jawab, فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ أَنْ يُشْفَعَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. Allah nous a informé qu'on ne pourra intercéder que pour ceux dont il est satisfait. Comme Allah a dit dans le verset, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. وَلَا يَرْضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا عَنْ الْمُوَحِّدِينَ أَهْلِ التَّوْحِيدِ. Et Allah n'est satisfait que de ceux qui n'adorent que Allah, ceux qui ont fait du shirk et qui sont morts sans avoir fait tawba, personne ne peut intercéder pour eux. D'accord. Et c'est de eux qu'Allah parle quand il dit وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا الْأَهْلُنَا. Donc voilà, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Ils ne pourront pas sortir du feu. مِنَ الْكُفَرِ الَّذِينَ لَا يُشْفَعُ لَهُمْ. Parmi les mécréants pour lesquels on ne pourra pas intercéder. Donc les seuls qui vont الَّذِينَ يَسْتَفِدُونَ مِنَ الشَّفَاعَةِ وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا هُمْ أَهْلُ التَّوْحِيدِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ كَبَائِرٍ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ إِلَّا أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ يَنْتَفِعُونَ بِالشَّفَاعَةِ بَلِ الشَّفَاعَةُ جُعِلَتْ لَهُمْ. النبي عليه الصلاة والسلام قال جعل الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. Donc les gens qui ont fait des grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis, mais qui n'ont pas associé Allah, donc أهل التوحيد, أهل لا إله إلا الله, ceux qui n'ont pas de autre qu'Allah, sont ceux qui vont gagner l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de eux qu'Allah il va être satisfait. يعني يرضى الله عنهم من جهة أنهم لم يشركوا بالله سبحانه وتعالى. Allah va être satisfait d'eux par rapport au fait qu'ils n'ont pas fait de shirk. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le Tout Miséricordieux aura donné la permission et dont il a agréé la parole. وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يَرْضَى إِلَّا أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَالَ تَعَالَى مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. وَقَالَ تَعَالَى فِيهِمْ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُوتِيَ الشَّفَاعَةَ ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بما حمد يعلمه إياها لا يبدأ بالشفاعة أولا يعني ينتظر إذن الله حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. حديث رواه البخاري ومسلم. Donc il nous dit, et Allah n'agrée que les gens du monothéisme, que les gens du tawhid et les gens de la sincérité. Quant aux autres, Allah a dit à leur sujet, les injustes n'auront ni un ami intime, ni intercesseur écouté. Personne ne pourra intercéder. La ahad yashfa'u lidh-dhalimin. Mal murad bidh-dhalimin. هنا المشركون الكافرون. الله تعالى قال والكافرون هم الظالمون. Donc les injustes visés ici sont les mécréants, les associateurs. Ceux-là, personne ne pourra intercéder pour eux. وقال تعالى عنهم فما لنا من شافعين ولا صديقين حميم. Et aussi Allah nous parle de ce que ces gens-là diront. Et nous n'avons pas d'intercesseurs ni d'amis chaleureux. Donc ils vont reconnaître que personne ne va intercéder pour eux. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal, quand il nous parle des gens de l'enfer, Allah يتكلم عن أهل النار يقول عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Il dit au sujet des gens de l'enfer, des gens, des mécréants, ne leur profitera donc aucunement l'intercession des intercesseurs. إذن الشفاعة تنفع الموحدين وإن كانت لهم كبائر بل جعلت لهم. Donc l'intercession va être profitable à ceux qui n'ont adoré qu'Allah et qui n'ont pas fait de shirk, ou qui sont morts avec tawba, ils sont morts sans shirk, ils sont morts sans association. Ceux-là vont tirer profit de l'intercession. Les autres, ils ne pourront pas, car ils ont fait un shirk. Ils ont fait du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète alayhi salam, nous a également informé que on lui a donné la possibilité d'intercéder et qu'il ne pourra pas intercéder qu'après qu'Allah lui donne la permission. Il va venir yawm al-qiyama yasjud tahta arshillah arshir rahma subhanahu wa ta'ala et se prosterne au-dessus du trône d'Allah et il va invoquer Allah. Il va invoquer Allah beaucoup dans le sujoud et il va attendre jusqu'à ce qu'Allah lui dira ya Muhammad, ô Muhammad, lève ta tête, parle, tu es écouté, demande l'intercession, on te la donne, et demande, on te donne. Donc, ce hadith nous montre que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam va attendre qu'Allah lui donne la permission. فَهَذَا مِنْ أَكْبَرْ دَلِيلَ الْإِدِلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْمْلِكُ الشَّفَاعَ بَلْ يَنْتَذِرُ مِنْ مَالِكِهَا الْإِذْنِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas dans sa possession l'intercession. Il va demander à Allah jusqu'à ce qu'Allah va lui donner la permission. فَإِذَا كَنَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَمَنْ طَلَبَ الشَّفَاعَةَ مِنَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ بِاللَّهِ. فَمَنْ قَالَ شَفَاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ بِاللَّهِ. Celui qui demande la shafa'a à autre qu'Allah, au prophète عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, alors qu'on vient de voir qu'il ne pourra pas intercéder sauf quand Allah va lui donner la permission, il aura fait du shirk. Donc celui qui demande la shafa'a au prophète alayhi salam, il a associé Allah. Et nous on sait qu'il y a plein de gens qui disent ça. Il y a même des gens qui disent ça sans s'en rendre compte. Quand il fait tomber quelque chose, il a un réflexe. Ishfa, ya Rasulallah. Sahih ou la? C'est vrai ou c'est faux? Annas yaqulun hada wa hada khata. C'est une erreur que les gens disent. Ils ont un réflexe. Quand il tombe ou quand il fait tomber quelque chose, ishfa ya Rasulallah. Hada shirk billah. Wal'iyadu billah. C'est une association à Allah. Subhanahu wa ta'ala. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة ولا يجوز طلبها منه فمن غيره أولى. Donc si le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas dans sa possession la shafa'a et qu'on n'a pas le droit de lui demander, et si on lui demande on a associé à Allah, alors on a le droit de la demander à personne d'autre que lui, car هو أحسن الخلق عند الله سبحانه وتعالى وهو أفضل الناس. C'est le plus pieux des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tabayyana khata kathir min al-muslimin. Donc on vient de voir l'erreur de beaucoup de gens qui sont tombés dans le shirk billah subhanahu wa ta'ala. Thumma akhbara annahu la yashfa'u fi jami' al-'usati min ahli at-tawhid duf'atan wahida bal qala fa yahiddu li haddan fa udkhiluhum al-jannah ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا الى اخر حديث الشفاعه. Et le prophète عليه الصلاه والسلام nous a également informé que quand il va intercéder pour les gens de sa communauté pour qu'ils sortent de l'enfer, ou pour les autres types d'intercession qu'on va voir, il ne va pas intercéder d'un coup pour tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner un groupe de personnes et il va intercéder pour eux, ils vont sortir de l'enfer. Et à chaque fois, il va revenir et il va redemander à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah va faire sortir tous les croyants de l'enfer, il ne restera que les kuffars finnar. Et à chaque fois qu'il va revenir pour faire dua, pour demander à Allah, il va faire as-sujud, il va faire la prosternation, il va invoquer Allah. فَيَتْلُوا مِنَ اللَّهِ فَيَتْلُوا مِنَ اللَّهِ الْمَزِيدِ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَعْطِيهِمُ اللَّهِ. Allah va lui donner à chaque fois jusqu'à ce que tous les croyants vont sortir de l'enfer. وَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هذا في صحيح البخاري مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ قَالْ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ. Et aussi le hadith d'Abu Huraira rapporté par Al-Bukhari. Abu Huraira a dit au prophète alayhi salam, au messager d'Allah, qui est celui qui se réjouira, qui sera content, la joie, qui se réjouira de ton intercession? Man alladhi yas'ad bi shafa'atik yawm al-qiyamah? Le prophète alayhi salam lui dit, laqad alimtu ya Abu Huraira annahu la yas'aluni ahadan ghayruka aw ahadun awwala mink, ay qablak. لما علمت من حرصك على الحديث من أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit, j'en étais sûr que personne allait me poser cette question avant toi, car je sais que tu es motivé à la recherche du hadith. Ensuite il lui a dit, celui qui se réjouira de mon intercession est celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur sincère. Il le dit sincèrement de son cœur. Donc maintenant on vient de voir al-kalam ala ou an al-shafa'a, on vient de voir le sujet de al-shafa'a. Qui est-ce qui va intercéder? Pour qui on va intercéder? Wa nahnu naqul, on dit que bah les ulama, les savants disent anna al-shafa'ata fi al-Qur'an dhakaraha Allah 'azza wa jalla taratan yanfiha wa taratan yuthbituha. Fa shafa'atu manfiya wa ukhra muthbata. Il y a deux types de shafa'a, comme le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, fi risalatihi al-qawa'id al-arba' dhakara hadha. Dans son livre Les quatre règles, a mentionné ça. Il a dit ash-shafa'atu shafa'atan. Les intercessions se divisent en deux. Shafa'a manfiya wa shafa'a muthbata. Une shafa'a qu'Allah a niée, elle n'aura pas lieu, et une autre qu'Allah a affirmée. Et il a dit فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. Il a dit l'intercession qu'Allah a niée est celle qu'on a demandé à autre qu'Allah. Ma'ana hadha, le sens de ça, c'est que tous ceux qui ont demandé l'intercession à autre qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala يعني نفى أن تنفعهم الشفاعة لمن طلبها من غير الله في هذه الدنيا. Tous ceux qui ont demandé l'intercession autre qu'Allah, Allah a nié le fait qu'ils recevront cette intercession. Deuxièmement, l'intercession qu'Allah a affirmée dans le Coran, et c'est celle que les gens vont, que les croyants, les gens du tawhid, les gens qui n'ont pas associé Allah Azza wa Jal, vont gagner. C'est pour cela que des fois dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wala shafa'a. En parlant de يوم القيامة يتكلم عن يوم القيامة ويقول ولا شفاعة وفي آية أخرى يثبتها ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Donc des fois Allah nie la shafa'a, l'intercession, et des fois il affirme qu'elle aura lieu. ولا تناقض في كلام الله. Il n'y a pas de contradiction. فإذا نفى الله الشفاعة أي ينفيها عن المشركين لا ينتفعون بها أما المؤمنون ينتفعون بها. Les croyants vont gagner cette intercession et les mécréants ne vont pas la gagner. Donc on vient de voir que l'intercession a des conditions. Al-idhn al-ridha. An ya'dhan Allah fala tahsulu illa ba'da idhnillah thumma an yarda Allah azza wa jal an ash-shafi' wa an yarda an al-mashfu' lahu idha kana wa la yarda anhu illa idha kana sahib tawhid wa in kanat lahu kaba'ir. Donc, les conditions de l'intercession, la permission d'Allah. Personne ne pourra intercéder yawm al-qiyamah sans qu'Allah ne lui donne la permission. Deuxièmement, qu'Allah soit satisfait de celui qui va intercéder. Alaykoum salam. Soit satisfait de celui qui va intercéder et de celui pour qui on va intercéder. Celui pour qui on va intercéder, qu'Allah soit satisfait de lui, c'est-à-dire qu'il meurt avec le tawhid, même s'il a des grands péchés, car l'intercession a été instaurée pour ces gens-là, pour les gens qui meurent avec des grands péchés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il n'y a pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder. Hein? Il y a le prophète alayhi wa sallam, il y a ash-shuhada, les martyrs, as-salihun, les gens pieux, al-awlad al-mu'minin, les enfants des croyants. Il y a al-Qur'an, khasatan surat al-Baqarah wa Ali Imran, le Qur'an qui va intercéder, particulièrement al-Baqarah et Ali Imran, as-sawm, le jeûne. Man yazid, le reste je ne m'en rappelle plus en fait. Allahu Akbar. Donc toutes ces choses là vont arriver en Qiyama inshallah. طيب الان السؤال الخامس والثلاثون بعد المئة. Question 135. كم انواع الشفاعة؟ لا, avant de rentrer dans cette question, la Bouddha min izalati shubha, il faut enlever une ambiguïté. هذه الشبهة, cette ambiguïté, c'est que لماذا كثير من المسلمين يتوجهون إلى القبور أو إلى ما يسمونهم الأولياء يطلبون منهم الشفاعة ويقولون هذا ليس بشرك بل نحن لا نشرك بالله. قالوا نحن عندنا ذنوب كثيرة وكبيرة ولا يمكن لنا بسبب ذنوبنا أن نتقرب إلى الله فنطلب منهم أن يقربونا إلى الله لأنهم صالحون. Donc, pourquoi beaucoup de gens sont tombés dans le shirk, dans l'association, quand ils ont demandé, en demandant l'intercession autre qu'Allah? Ils ont été la demander à des pieux, al-awliya, ils ont été la demander à des gens qui sont enterrés, ils ont même été la demander à Rasoul alayhi salam dans sa tombe, et même éloigné de sa tombe. Lorsqu'ils disent, ou lorsqu'ils font ça, ils disent nahnu la nushrik billah, nous on ne fait pas d'association. On leur dit, pourquoi alors vous demandez à autre qu'Allah? Ils répondent, nous avons trop de péchés et à cause de nos péchés on ne peut pas demander directement à Allah, alors on demande à ces pieux qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à la fin à Allah, on demande à eux de nous rapprocher d'Allah, on veut que se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal رد على هذه الشبهة في كتابه الكريم. Allah a répondu à cette fausse ambiguïté dans le Coran, في سورة الزمر. Allah عز وجل قال والذين اتخذوا من دونه أولياء الذين يتوجهون إلى غير الله من الأولياء أو أصحاب القبور يطلبون منهم الشفاعة ماذا يقولون؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى نحن لا نشرك فقط نريد منهم أن يقربونا إلى الله زلفى أي قربا نريد أن يقربونا إلى الله. الله عز وجل رد عليهم قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. انظر كيف رد الله على هؤلاء. Donc regarde comment Allah a répondu à ces gens-là. Allah a dit dans sourate Az-Zumar, les groupes et ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, ceux qui ont été adorés autre que lui, ceux qui ont été demandés à autre que lui l'intercession, qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc regardez, c'est exactement la même chose que Quraysh disait. Allah Azza wa Jal a répondu et a dit, certes Allah va juger entre eux Yawm al-Qiyamah au sujet de leur différence, leur divergence. Ulama al-Tafsir qalu yahkumu Allah bayna ha'ula al-muwahhidin wa ulaika al-mushrikin. Allah va juger entre les gens du tawhid et les gens du shirk, ceux qui ont adoré qu'Allah et qui ont demandé l'intercession qu'Allah et ceux qui ont demandé l'intercession autre qu'Allah. Ensuite Allah a dit inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar kafarahumullah azza wa jalla. Allah a dit certes Allah ne guide pas, certes Allah ne guide pas ceux qui est menteur et mécréant. Et dans l'autre verset de sourate Yunus, Allah a dit wattakhadhu min dunihi wa ya'buduna min dunihi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Anzur Allah subhanahu wa ta'ala samma fi'lahum hadha 'ibada wa ya'buduna min dunihi wa 'ibadatu dunillah shirk wa ya'buduna min dunihi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna hadhihi shubha ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Allah radda 'alayhim. Allah dit dans sourate Yunus, et ils adorent en dehors de lui ceux qui ne peuvent leur tirer aucun profit, aucune nuisance, et ils disent ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et dans ce verset on voit qu'ils sont tombés dans le shirk, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ils ont adoré en dehors de lui, et l'adoration d'autre qu'Allah c'est du shirk. Et Allah a dit qu'ils ont fait ce shirk à cause d'une ambiguïté, une shubha. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ha'ula shufa'a'una 'inda Allah. Ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla a répondu à ces gens-là. فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَطْلُبَ الشَّفَاعَةَ وَلَا أَيَّ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Le musulman n'a pas le droit de demander la shafa'a, l'intercession, à autre qu'Allah. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ فِي الشَّفَاعَةِ الْمَنْفِيَّةِ. Car si il demande à autre qu'Allah, il va entrer dans les textes qui nous parlent de l'intercession qu'Allah a niée. C'est-à-dire, ils n'auront pas la shafa'a. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَيَقْبَلُ اللَّهُ تَعَلَى تَوْبَةَ الْعِبَادِ. Et Allah Azza wa Jal accepte le repentir de ses serviteurs. Alaykum salam. As-su'al al-khamis wa al-thalathun ba'da al-mi'ah. Question 135. Kam anwa' al-shafa'a wa ma a'azamuha. Combien sont les sortes d'intercession et quelle en est la plus importante? Al-jawab, al-shafa'a anwa'. Il y aura plusieurs intercessions yawm al-qiyam. La réponse à cette question, al-jawab, a'azamuha al-shafa'atu al-uzma fi mawqif al-qiyam fi an ya'ti Allah ta'ala lil-fasl al-qada'i bayna 'ibadihi wa hiya khassatun li nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Donc dans sa réponse il nous dit la plus grande ou la plus importante intercession est celle qui est appelée en arabe al-shafa'atul 'uzma, qui veut dire la plus importante intercession. Celle-ci aura lieu le jour du jugement dernier et consiste à ce qu'Allah azza wa jal vienne pour juger entre les gens. Et donc celle-là n'est que pour le prophète alayhi wa sallam. C'est lui qui demandera à Allah que le jugement commence, et c'est la première intercession, et seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aura. Il viendra et il demandera à Allah de commencer le jugement, al-shafa'a liyabda Allah al-hisab, pour qu'Allah commence le jugement entre les gens. Et c'est ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, la noble place qu'Allah a promis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, quand il lui a dit de prier la nuit. Après il lui a dit ainsi, il lui a dit afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire, en une position de gloire. وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا ضَاقَ بِهِمُ الْمَوْقِفِ وَطَالَ الْمُقَامِ وَاشْتَدَّ الْقَلَقِ وَأَلْجَمَهُمُ الْعَرَقِ إِلْتَمَسُ الشَّفَاعَةِ في أن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم وكلهم يقولون نفسي نفسي إلى أن يأتوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها كما جاء مفصلا في صحيحين وغيرهما. Donc cette intercession consiste à ce que lorsque les gens le jour du jugement dernier, avant que le jugement ne commence, verront la difficulté et que donc la situation elle sera difficile, le temps va commencer à devenir de plus en plus long, ils seront de plus en plus inquiets et ils vont transpirer jusqu'à ce que la sueur arrive à leurs oreilles, ils vont dire allons chercher qui pourra intercéder pour nous pour que le jugement commence. Et là, ils vont aller voir les prophètes. Ils vont commencer par Adam, puis Nuh, ensuite Ibrahim, Moussa, Isa. Tous les prophètes vont répondre Nafsi, Nafsi. Moi-même. Ils seront tous préoccupés par eux-mêmes. Et le dernier sera Isa. Et Isa va les envoyer vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils arriveront voir le prophète alayhi wa sallam, le prophète leur dira Ana laha. C'est-à-dire, je suis pour elle. C'est-à-dire, c'est à moi qu'elle a été accordée. Et personne d'autre. Cette intercession-là. Et c'est à ce moment-là qu'il se prosternera en dessous du trône d'Allah et qu'Allah lui dira Fa'ra'sak, lève ta tête et demande pour que on te donne. Et elle a été bien détaillée dans le Bukhari et Muslim. Al-Thaniya, Al-Shafa'atu fi istiftahi babi al-Jannah wa awwalu man yastaftahu babaha nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. والحديث رواه مسلم من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح أطلب الفتح فيقول الخازن الملك الموكل بباب الجنة من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. طيب. Donc on voit que le deuxième type d'intercession, c'est l'intercession pour demander à ce que la porte du paradis soit ouverte. Alaykum salam. Il est rapporté dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors je viendrai à la porte du paradis le jour du jugement dernier, je demanderai à ce qu'elle soit ouverte, et là l'ange qui est chargé de surveiller la porte me dira qui est. Je répondrai Mohammed, et l'ange me dira: on m'a ordonné de ne pas ouvrir à quelqu'un avant toi, et on lui ouvrira la porte. Et c'est une intercession que le prophète aura alayhi salatu wa salam pour ouvrir la porte du paradis pour que les gens parmi les croyants y entrent. Wa awwalu man yadkhuluha min al-umam ummato. Et la première communauté à entrer au paradis, c'est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وهاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. Et ces deux types d'intercession sont réservés exclusivement au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est le seul qui va demander à ce que l'on ouvre la porte du paradis, et la porte sera ouverte. والباقي نراها في الدرس المقبل ان شاء الله. نسأل الله عز وجل الفقه في الدين والبصيرة وان يوفقنا لعمل صالح يرضينا عنه ونسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يدخلنا الجنة ويغفر لنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك